Venons-en maintenant à d'autres initiatives actuelles, preuve, elles aussi, d'un latin bien vivant. Vous présentez succinctement un exemple aux États-Unis, ne nous éloigne pas de notre propos, le latin, langue de l'Europe. L'université de Lexington, en effet, dans le Kentucky, est la seule au monde où existe un master de perfectionnement en latin, dirigé par l'Américain Terence Turnberg et sa collaboratrice bulgare Milena Minkova. Et leurs cours sont donnés entièrement en latin. Cette université américaine a accueilli, en juillet 2017, le 14e congrès de l'Academia Latinitati Fuendi, association internationale pour la promotion du latin et de sa culture. Son siège est à Rome, où elle fut fondée en 1967. Or, à Lexington, pendant une semaine, se sont succédés à la tribune de ce congrès, exclusivement en latin, des représentants du monde entier, entre autres des Européens venus d'Allemagne, Angleterre, Belgique, Espagne, Italie, héritières, nous l'avons vu, de l'Empire romain, mais aussi de Hongrie, de Norvège, de Suède et enfin de Bulgarie. Après ce détour outre-Atlantique, revenons en Europe, où les cercles latins sont très nombreux. Vous les trouverez aisément sur la toile, avec des portails d'entrée qui renvoient souvent aux courses de chars. Vous en avez notamment à Sofia, à Berlin et à Münster, à Bruxelles et à Louvain-la-Neuve, à Majorque, Madrid, Barcelone, à Moscou, à Amsterdam et bien sûr en Italie, Milan, Bologne, Pise et Rome. Et sur le char d'Obélix, nous revenons en France et nous arrivons à Avignon, puis Lyon pour nous arrêter enfin à Paris, l'ancienne Lutèce.